Cours numéro 20. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Assalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-imam ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Bab dhikru al-zajri ani al-tajassus wa su'i al-dhan. Fahadha al-bab al-imam ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, il a mis en garde contre هذا الأدب السيء أو plutôt ces deux mauvais comportements. التجسس وهو تتبع عورات المؤمنين كما سيأتي معنا dans l'explication du hadith. وسوء الظن, avoir des mauvaises pensées envers son frère musulman. قال رحمه الله أخبرنا محمد ابن أحمد الرقام بتستر قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليم بن حيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث الإمام ابن حبان رحمه الله il l'a rapporté هنا avec cette chaîne de transmission et il est كذلك في صحيح البخاري et صحيح مسلم. Et ce hadith c'est un أصل عظيم في الآداب, et certaines choses à éviter, الظن السوء كذلك التجسس كذلك التباغض كذلك الحث على محبة المؤمنين. Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a expliqué هذا الحديث في شرح رياض الصالحين avec une explication طيبة, simple. فنقراها. قال رحمه الله, après avoir cité الحديث avec l'imam Nawawi, il a cité باب النهي عن التجسس والتسمع للكلام من يكره استماع. نعم. Donc, l'imam Nawawi, rahimahullah, fi kitab al-manahi, à la fin de Riyad al-Salihin, il a cité cette mes'ala. Ay at-tajassus. Et il a cité qawluhu azza wa jal, wa la tajassassu. Ay min surat al-hujurat. Thum, il a cité hadith Abi Huraira, radiyallahu anhu, qu'on vient de lire ensemble. Qala, rahimahullah, at-tajassus, huwa أن يتتبع الإنسان أخاه ليطلع على عوراته سواء كان ذلك عن طريق مباشر بأن يذهب هو بنفسه يتجسس لعله يجد عثرة أو عورة. سساء التجسس سلفد كما قال الشيخ يتتبع الإنسان سك une personne elle espionne, en français la traduction c'est espionner التجسس, أي elle suit les faits et gestes d'une autre personne, comme a dit le cheikh, liyattali'a ala awratihi, pour trouver un défaut, pour regarder ou pour connaître son intimité, iyadan billah. Fahada c'est haram. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit at-tajassus, le fait d'espionner son frère, al-muslim. Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité une précision, que ce soit un tariq mubashir, مثلاً lui-même, il suit telle personne, il essaye de savoir ce qu'elle fait, etc. قال بأن يذهب هو بنفسه يتجسس لعله يجد عثرة أو عورة أو كان عن طريق الآلات المستخدمة في حفظ الصوت أو في حفظ الصورة, c'est encore plus grave. قال أو كان عن طريق الهاتف. Donc que ça soit directement cet espionnage, il le suit, مثلاً, ou avec le moyen d'un appareil, que ça soit enregistrer sa conversation, encore plus grave, le filmer, عيادن بالله, ou en cherchant dans son téléphone. Tout ça, c'est من التجسس المحرم. قال فكل شيء يوصل الإنسان إلى عورات أخيه. عورات, c'est le pluriel de عورة. العورة, on connaît tous ce mot, qui signifie les les parties intimes. مثلا عورة الإنسان c'est partie intime. هنا قوله عورات أخيه أي c'est des choses privées. Des choses qui le regardent, qui ne regardent personne d'autre. Et هذا c'est un مرض عيادا بالله. بعض الناس ابتلوا بهذا. À cause de Al-Farah, à cause de Shaitan. لماذا؟ لأنهم ils occupent pas leur temps par quelque chose de profitable. وتعلمون أن النفس إن لم تشغل بالخير شغلتك بالشر عيادا بالله. Si on s'occupe pas soi-même par des choses profitables, la lecture du Coran, al-ilm, كذلك في أمور الدنيا, un travail halal, profitable. فالإنسان عيادا بالله s'il ne s'occupe pas avec quelque chose de profitable, donc son nefs et shaitan, ils l'attaqueront et ils combleront ce temps libre avec des choses haram. Fait comme les nas, tarahum annahum, ils ne font pas des muharramat clairs comme boire de l'alcool, faire zina, etc. Lakin iyadam billah, à cause de al-farah, annahum, ils n'occupent pas leur temps par des choses profitables. كذلك à cause de certaines mauvaises fréquentations. كذلك à cause de al-hasad, de la jalousie, ils pensent qu'aux autres. Ils regardent que les autres. Ils s'oublient eux-mêmes, que ça soit dans le fait de faire des bonnes actions ou délaisser les interdictions al-haram, et ils regardent que les autres. Enfin, le fait de s'oublier soi-même et de s'occuper des autres, faqat, ça va pousser هذا al-insan, ça va pousser cette personne إما à la médisance, الغيبة والنميمة, إما à espionner, إما à la jalousie. وكم من الناس وقعوا في هذه المهلكات, هذه الذنوب, العظام, qui font beaucoup de mal à l'insan. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit هذا, ولا تجسسوا, بل الله سبحانه وتعالى في القرآن, ولا تجسسوا, وهكذا في في الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا. Cheikh Ibn Uthaymeen, donc il a fait cette précision, que ça soit directement ou مثلا placer une caméra dans un endroit ou enregistrer, ou même ces applications qui enregistrent al-mukalamat, فلا ينبغي, on ne doit pas utiliser هذا, خاصه si notre interlocuteur il n'est pas au courant, il ne sait pas. وربما هو يدي une chose, cette chose elle est sortie de son contexte, ou une autre personne elle écoute, et ça fait beaucoup de mal. فلنترك هذا, on n'a pas besoin de هذا. خاصة quand ton frère, ولله الحمد, il est sur le khair, il fait apparaître que du bien. Et même s'il a des manquements, فالنصيحة والبيان, on lui montre, on le conseille. أما التجسس الآن عن طريق هذه الآلات, il est كثير à notre époque. Et ça, c'est min af'al al-mujrimin. Al-mujrimin, ils utilisent beaucoup هذا, ces appareils, ils espionnent avec ces caméras, ils espionnent les téléphones des autres. Hatta leur but, c'est de trouver quelque chose pour faire du mal à cette personne. Amma al-mu'min, son but, ce n'est pas de faire mal à l'autre, là. Encore moins à son frère musulman. Là, son but, c'est de montrer la vérité aux autres. Il veut le bien pour les autres. Il essaye d'être une porte de bien, une porte ouverte de bien pour les autres. قال رحمه الله فكل شيء يوصل الانسان الى عورات اخيه ومثالبه فان ذلك من التجسس. C'est ça, التجسس. C'est tout ce qui permet de connaître l'intimité d'une autre personne, de connaître les choses privées qui la concernent. Enfin, n'importe quel moyen qui conduit à connaître cette chose, c'est min at-tajassus, c'est de l'espionnage. Imma directement, imma indirectement avec un appareil. قال وهو محرم لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. Vous avez remarqué que ces deux dhunub qui sont cités dans ce verset sont cités كذلك dans le hadith. أي النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن وقال ولا تجسسوا. قال فهو سبحانه وتعالى نهى عن التجسس ولما كان التجسس إذاء لأخيك المسلم أردف المؤلف رحمه الله ما استشهد به من هذه الآية بقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. C'est pour ça que l'imam An-Nawawi rahimahullah dans Riyad Salihin, il a cité كذلك le verset sur l'interdiction de faire du mal à son frère. Limadha li anna at-tajassus, espionner son frère musulman, ça fait du mal à ce musulman. Wala shak anna al-aqil, il ne veut pas que les autres y connaissent son intimité, ils connaissent certaines choses privées. Enfin, كذلك si toi-même tu n'aimes pas cette chose, pourquoi la faire? Pourquoi la faire à un autre? قال لأن التجسس أذية يتأذى به المتجسس عليه. المتجسس عليه c'est celui qui est espionné. والجاسوس c'est l'espion, celui qui espionne. قال ويؤذي إلى البغضاء والعداوة ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزمه. صحيح أن هذا سبوس البغضاء والعداوة لأن cet homme ou cette femme, s'ils se rendent compte, ils sont espionnés, ils sont suivis. Voilà, chacun d'entre eux, ils vont détester cette personne qui essaye de leur faire du mal. Et ça va semer de la division au sein de la communauté. قال فإنك تجد المتجسس والعياذ بالله مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة ينظر إلى هذا ومرة ينظر إلى هذا فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله. Et هؤلاء كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, ils sont toujours في التعب. Ceux qui sont éprouvés par cette maladie, أنهم, ils essayent toujours de connaître la vie des autres. ثم سالك pousse à espionner, et en général c'est fondé sur la jalousie. Ils sont في التعب شديد. Tu le vois sur leur visage, cette fatigue. Où est-ce qu'il est parti un tel? Qu'est-ce qu'il a fait? Imma il regarde par la fenêtre, imma il suit, imma il demande à un autre. Kadalik ba'dhum ils emploient at-tajassus en utilisant les autres. Imma leurs enfants, imma un ami, suit un tel et dis-moi où est-ce qu'il est parti. Enfin, tu les trouves, oula, ils ont une vie, iyadan billah, misérable. Les malades, on le répète. Les malades. Shaitan, chacun, il le combat avec une de ses faiblesses. On le répète, tu trouves Haoula Rubama, ils ne boivent pas d'alcool, ils ne font pas zina, ils ne sortent pas dans certains endroits comme d'autres. Lakin, ils sont éprouvés par Hadal Amr. C'est pour ça que ça arrive beaucoup chez les personnes âgées. Tu trouves certains jeunes, ils sont éprouvés par d'autres péchés. Imma zina, yadam billah, imma l'alcool, imma les sorties. Imma d'Aliana, son entourage, il pratique ces choses et il a la force de la jeunesse, il est attiré par ces choses. Et Shaitan, il le combat par ces choses. Tu peux trouver Mithla Haoula avec toutes ces Muharramed Kaba'ir qu'ils font. Et ils ne sont pas Haoula Hadat Tajassus. Ils s'occupent d'eux et les autres, ce n'est pas de leurs affaires. Tu trouves Wa'ad Kibur Sin. Ils ont atteint un certain âge. Et ils ne travaillent plus. Et ils ont des faiblesses dans l'ibada et dans l'ilm. Donc ils se retrouvent chez eux seuls, sans aucune occupation. Et il s'écarte de certains péchés, lakin al-shaytan, il les combat min hadal bab. Toute la journée. Qu'est-ce qu'il a fait un tel? Pourquoi un tel il est parti huna? Et hakada, leur vie, elle est basée sur les autres. Thumma. Iyadan billah, la jalousie, elle rentre dans les cœurs, l'espionnage. Et ghayru dhalik. Fa nas'alullah al-afiyah. Kama qala Cheikh Al-Uthaymeen. Qala nas'alullah al-afiyah. Wa min at-tajassus an yutajassas ala al-buyut. ويقف عند الباب ويستمع لما يقال في المجلس ثم يبني عليه الظن الكاذب والتهم التي ليس لها أصل. هذا سيغاف من التجسس كذلك le fait d'écouter aux portes. Oh, à notre époque encore plus, écouter les conversations téléphoniques. واحد يبارل au téléphone, واحد يتن l'oreille. هذا سي من التجسس. Pourquoi? لأن ça peut ouvrir des portes très très graves. كما قال الشيخ رحمه الله قال ثم يبني عليه الظن الكاذب والتهم. Peut-être qu'il va écouter, vu qu'en général celui qui espionne, il peut être assez loin, il n'entend pas, il n'entend qu'une partie de la conversation, et il n'entend pas l'autre qui est à l'autre bout du fil, et il entend une parole et il pense que c'est sur un tel. Donc moi, directement, il va voir un autre et j'ai entendu un tel, il a dit ça sur un tel. Alors que c'est pas vrai, il n'a pas compris la conversation. Il n'entend pas ce que l'autre il dit. Et aslan, ce n'est pas de ses affaires. Lakin hakada al-farah. Qala, thumma dhakara al-mu'allif hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu. في رواياته وأكثرها قد تقدم. نعم هذا سهل. أي d'autres choses qui ne sont pas liées directement à notre dors, on passe directement à قوله قال لكن من أهم ذكر إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذا مطابق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لكن في هذه الآية قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. تأملوا أن dans le hadith قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن. Hey, faites attention, écartez-vous de dhan. Dhan, c'est avoir des mauvaises pensées sur les autres. Fait le hadith, c'est dhan, avoir des. Écartez-vous des. Dhan, c'est des pensées. C'est pas muqayyad avec les mauvaises. Là, chacun. C'était cela l'objectif du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Comme il y a dans l'aïa, قال عز وجل, اجتنبوا كثيرا من الظن. ولم يقل الظن كله. Cheikh Ibn Uthaymeen, قال الله سبحانه وتعالى, il a pas dit écartez-vous du dhan. Là, il a dit كثيرا. Hey, beaucoup. Pas toutes, pas tous les dhunoun. قال لأن الظن المبني على القرائن لا بأس به. أما avoir des mauvaises pensées sur quelqu'un, لماذا لأنه il y a des preuves. لماذا لأنه il a fait des choses. مثلا un voisin qui écoute aux portes pour faire la liaison avec le péché précédent. أنت tu l'as vu. أنه دائما il écoute aux portes. أنه il suit. أنه il regarde. عياذا بالله هذا لا شك أن سيبوسي سمؤمن ناتشورالمون أفوغ أن سوء ظن بهذا الإنسان. سي بو لو كونسي لو كونسي سي ليكوت با فيحذر منه. مي أون كارد سي فوازان أن فلان سي أن مفسد أنه يفي تيل شوز. في هذا الحال أون دي با لا بوركوا تو بارل سور لوي سي أن موفي ظن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن. لا العلماء إيزون بيان بريسيزي أن الظن يا دو كاتيغوري أن ظن انتردي إي أن ظن كي بيرمي. قال فهو من طبيعة الإنسان أنه إذا وجد قرائن قوية توجب الظن الحسن وغير الحسن فإنه لابد أن يخضع لهذه القرائن. نعم صافي بارتي دو لا ناتور دو الإنسان أنه سي فوا دي موفيز شوز أو دي شوز سوسبكت فربما ظنه يتغير. إلى دي موفيز بونسي دي سوسبيسيون سور أن تيل كي سون فوندي بيان سور. أما سي هذا الإنسان يفا باغيتر كو دو بيان فلا يجوز. On n'a pas le droit d'avoir des mauvaises pensées sur lui. On n'a pas le droit de le soupçonner de telle ou telle chose. كما يفعل البعض. C'est que des wasawis de shaitan. إنسان il est à la khair. Il fait que du bien. Il propage le bien. Et عياذا بالله, ils essayent de lui coller certaines choses qui sont fondées sur rien. Ça, c'est من الظنون المحرمة. Et en général, ce mauvais ظن, ça va les pousser à au تجسس, à espionner. قال رحمه الله قال ولا بأس بذلك لكن الظن المجرد هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أكذب الحديث. لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه تحدثه. Vous avez remarqué que الظن c'est quelque chose qu'il y a dans le cœur. C'est ce que tu penses. Tu peux avoir des bonnes pensées envers une autre personne et tu penses du bien d'elle et tu peux avoir des mauvaises pensées. C'est ça الظن. C'est dans le cœur. النبي صلى الله عليه وسلم il l'a appelé حديث. Al-Hadith, c'est quoi? C'est des paroles. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé Akdab al-Hadith. Et c'est les paroles les plus mensongères à Dhan, alors que c'est une pensée du cœur. Enfin, l'imam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé Hadha Dhan parole. قال لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه تحدثه. Quand tu as des pensées, fait ton nafs تحدثه. Ton nafs, elle te dit certaines choses, elle t'insuffle des choses. Fahada, c'est min al-Hadith. قال تقول له فعل فلان كذا وهو يفعل كذا وهو يريد كذا وكذا وما أشبه ذلك. وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أنه أكذب الحديث. للظن كي انفوندي ثم الإنسان يpense أن يبغى faire telle chose il a fait telle chose alors qu'il n'y a aucune preuve. هذا c'est parmi les plus grands mensonges. قال وفيه أيضا مما لم يتقدم شرحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. أنا نعم سيد زيادة. وكونوا عباد الله إخوانا. أما كما أمركم ولا با نحن في حديثنا. نعم. أما هنا قال رواه مسلم سو حديث أول بخمي رواه مسلم. لعل نعم سين رواية مسلم يا سيد زيادة كما أمركم. أي سوي دي فقار كم وزا أغدني. أي كم الله سبحانه وتعالى وزا أغدني. قال يعني أنه يجب على الإنسان أن يكون أخا لأخيه بالمعنى المطابق للأخوة لا يكون عدوا له. Vous avez remarqué qu'après avoir cité ces choses, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال كونوا عباد الله إخوان. Ça montre quoi? Ça montre que ces choses, ça peut affecter هذه الأخوة. Ça peut causer de la division. Et ce frère, avec son frère, ça devient des ennemis, عياذا بالله. فلهذا, pour préserver notre أخوة, on doit s'écarter de ces choses. الظنون السيئة, qui sont fondées sur rien. كذلك التجسس. Tout ça c'est haram, espionner son frère al-muslim. قال بل الواجب ان يكون الانسان اخا لاخيه في المحبه والالفه وعدم التعارض له بالسوء والدفاع عن عرضه وغير ذلك من مقتضيات الاخوه. بل كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله عليه, الواجب c'est ne pas espionner son frère, ne pas avoir des mauvaises pensées. بل هذه الاخوه, elle doit nous pousser à défendre nos frères. Si on entend quelqu'un qui parle بغير حق, فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم, انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Tu dois défendre ton frère. ظالما أو مظلوما. S'il est injuste, tu le défends en le conseillant pour qu'il arrête cette injustice. S'il est مظلوم, s'il subit une injustice, tu le défends en défendant son honneur s'il n'est pas là. En préservant son intimité s'il est espionné. هذا أما être une cause de lui faire du mal, فلا شك أن هذا ça affecte, ça diminue, ça fait du mal à هذه الأخوة. هذا الحديث, c'est un hadith عظيم, et on a lu, باختصار, en résumé, l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen min شرح رياض الصالحين والحمد لله. قال ابن حبان رحمه الله أخبرنا محمد بن عثمان العقبي, كانه العقبي أو العقبي ينظر الضبط. قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج الرقي قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال سمعت الحسن يقول لا تسأل عن عمل أخيك الحسن والسيء فإنه من التجسس. الحسن البصري رحمة الله عليه قال, il a dit هنا, لا تسأل, ne demande pas عن عمل أخيك الحسن والسيء. Et qu'est-ce qu'il a fait un tel, مثلاً ton frère مسلم, et tu demandes qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais. هذا في الحقيقة, ça regarde pas الإنسان, ça regarde pas المسلم, ça nous regarde pas. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. Ça fait partie du bon islam. Ça fait partie de l'iman al-qawi, que al-mu'min, il s'occupe de ses affaires. Il y a des choses, elles ne nous regardent pas. Mais vite, si tu sais que ton frère, il a fait telle chose, il n'a pas fait. Même, ça peut arriver, certaines choses, tu as besoin de demander. On peut faire nasiha, même, hada, la shakavi. Lakin, il n'y a aucune haja. Et ça devient une habitude, la curiosité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, naha anil fudul. Al-Fudul en arabe, ce mot arabe, ça veut dire, le sens c'est la curiosité. On n'a pas besoin de ça. Alhamdulillah, khassatan, ton frère musulman, certaines choses, il n'aime pas qu'elles soient divulguées. Maintenant, il a fait des choses, lillah azza wa jal, il n'aime pas que tout le monde le sache. Il n'y a aucun intérêt. S'il est sincère, alhamdulillah, il en profitera. Indallahi subhanahu wa ta'ala. Kedalik, si c'est de mauvaises choses, fastur akhak. من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. Celui qui cache les défauts, les péchés de son frère, Allah lui cache ses défauts, ses péchés, ici-bas et dans l'au-delà. C'est ça la base. Sauf dans certains cas où c'est permis de parler, de montrer, de dévoiler, de conseiller. وَإِلَّا فَلَبَا سِهَذَا. سِهَذَا. Quand il n'y a pas une maslaha, il n'y a pas un profit pour eux, pour que ça se propage, on n'a pas besoin. فلهذا قال لا تسأل عن عمل أخيك الحسن والسيء إنه من التجسس. هذا الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه قال هذا pour éduquer les autres. On s'occupe de nous-mêmes. On le répète. Si tu passes ton temps à t'occuper des autres, tu seras négligent envers toi-même. Si tu passes ton temps à regarder les œuvres des autres, tu auras un manquement dans tes propres œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné, il m'a ordonné, il nous a tous ordonné de l'adorer, pas de regarder les autres. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل لزوم السلام بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه. سيسا الواجب ترك التجسس. Et on a expliqué, والله الحمد ce mot, le fait d'espionner les autres. مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه. أما toujours regarder عيوب الآخرين. العيوب c'est le pluriel de عيب. العيب c'est un défaut, un manquement, ça peut être un péché. مهم une mauvaise chose. Celui qui regarde les mauvaises choses des autres et il oublie son cas personnel, c'est un manque. Tu peux être profitable pour les autres si tu conseilles. Le conseil en aucun cas c'est de l'espionnage. Et min a'dham an-nusah lil muslimin c'est at-tahdhir min ahl al-bid'ah wal ahwa. Ne pas comprendre min hadha al-kalam min ahl al-'ilm. لأن بعض المنحرفين بعض الجهال يزاكوز علماء السنة de critiquer les autres بغير حق d'espionner les autres. مثلا quand ils font un rod ils disent regardez il a espionné, il a écouté tous ses doros, il a lu dans ses livres que pour mettre en garde. Ça c'est min al-jahl. Ça c'est un conseil de l'umma. Il y a une maslaha azima, il y a une maslaha azima. Et si واحد il a des erreurs il propage ses erreurs, fa labud min al-nusah. Le conseiller lui, et s'il ne veut pas arrêter, conseiller l'umma, et mettre en garde contre lui et montrer ses erreurs. Ça, c'est min al-nusah al-azim. Ça, c'est pas min al-ishtighal bi uyub al-nas. Là, khassatan anna ahl al-ilm, ils font des efforts sur eux-mêmes, en se corrigeant, et kadhalik, ils font des efforts pour montrer aux autres. Amma al-kalam huna, c'est quoi le ma'na ? C'est wahid qui ne fait pas beaucoup d'efforts sur lui-même, ou il est négligent sur lui-même, et il n'y a aucun profit à regarder les autres. Maintenant, il fait une erreur, qu'il le regarde lui, baynahu wa bayn Allah. Ce n'est pas comme une innovation qui est propagée, qui fait du mal à la umma. Entabihu al-farq. Maintenant, tu as vu maintenant, dans un coin en train de fumer. Elle est où le maslaha de le dire à tout le monde? Il n'y a aucune maslaha. Il n'y a aucune maslaha. Fasturhu et conseille-le. Alhamdulillah. Ça peut arriver que tu le vois sans involontairement. Amma tajassus suivre les autres ila akhri, hada taqaddam annahu sihram. Qal fa inna man ishtaghala bi'uyubihi 'an 'uyubi ghayrihi araha badanahu wa lam yat'ab qalbuhu. Al-badan wa al-qalb, les deux. Celui qui s'occupe de ses propres erreurs, de ses propres manquements, il va reposer son corps. لأن البعض الناس كما تقدم معنا من كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله ils sont في التعب شديد, ils se fatiguent à force d'espionner les autres, à force de demander, والله ça les fatigue physiquement. Si tu t'occupes de toi-même tu vas te reposer physiquement et كذلك tu vas reposer ton cœur. أما s'occuper des problèmes des autres, des عيوب des autres, des manquements des autres, ça touche le cœur. Ça touche le cœur. Vous avez remarqué que بعض الناس encore plus الآن avec avec ses moyens de communication, avec les médias. Annalbaad, Robama, il regarde le journal télévisé, il suit les informations, ça lui fait du mal, jiddan. Toute la journée, hein, tel il est mort, ils ont fait telle chose dans tel pays, ils ont fait. Shakadahada, ça touche le cœur, et ça attriste, et ça occupe. Enfin, hatahada, s'il n'y a pas de hajan, ne perds pas ton temps avec ces choses, ça va te fatiguer. Et si tu étudies l'ilm, ça va te freiner, jiddan. Amma si l'insan il s'occupe de lui-même, alhamdulillah, il va se reposer physiquement, il va reposer ce cœur. Laisse de la place dans ce cœur. Laisse ce cœur être prêt et apte à accepter al-khayr. Laisse de la place pour le Coran. Laisse de la place pour kalam al-Nabi alayhi salatu wa salam. Laisse de la place pour l'ilm. Laisse de la place pour réfléchir, pour méditer, pour te remettre en question, akhil karim. On doit se faire des examens de conscience sur nous-mêmes, pas regarder que les autres. قال رحمه الله فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى من مثله من اخيه. صحيح, celui qui s'occupe de lui-même, il connaît ses manquements. Quand il va voir un de ses frères avoir un manquement, أولاً ça va pas l'étonner, لماذا لأن lui-même il a des manquements, et la douceur qu'il a envers lui-même, il l'aura envers les autres. La patience qu'il a sur lui-même, il l'aura envers les autres. اما regarder que les autres et s'oublier soi-même, ربما ça pousse l'insan عياذا بالله à être dur envers les autres et s'oublier soi-même. قال رحمه الله نعم قال وان من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. اما celui qui s'occupe des péchés des autres, il s'oublie lui-même, il va se fatiguer moralement, physiquement, et كذلك il aura du mal à délaisser ses propres péchés. لماذا؟ لانه il est occupé, il est occupé avec les autres. بعض الناس toute la journée et il critique les autres. Un tel il fait, un tel il fait, un tel il est parti. Il s'oublie lui-même. S'il mettrait ses efforts, et comme on l'a dit, il ferait son examen de conscience, et il regarderait, là, j'ai un manquement dans ça, il commencerait par Salat al-Fajr. Est-ce que je me lève pour Salat al-Fajr? Thumma, est-ce que j'ai fait Adhkar al-Sabah? Est-ce que j'ai fait les invocations du matin? Thumma, est-ce que si j'ai un travail, je vais au travail? Si j'étudie l'ilm, j'étudie l'ilm. Est-ce que je fais salat al-duha dans la matinée? Thumma, est-ce que je fais al-nawafil avant al-duhur? Est-ce que je fais salat al-duhur à l'heure? Kadhalik al-muharram, est-ce que je critique personne bighayri haqq? Est-ce que je m'écarte de la médisance? Est-ce que kada jusqu'à la nuit et tu verras. Tu verras que tu vas trouver plein de manquements. Ça peut être des manquements des obligations délaissées ou ça peut être des sunan recommandés. À la kulli hal, le musulman doit essayer de se perfectionner. Tu verras qu'à la fin, walillahi alhamd, tu vas avoir une faïda azim. Anaka, tu vas voir qu'il te manque beaucoup de choses. Thumma, fais un effort pour te corriger petit à petit. Commence par les obligations que tu manques, fais-les. Le haram que tu fais, délaisse-le. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite. Et entoure-toi de bonnes personnes, comme on l'a vu dans tous les chapitres précédents. Thumma, quand ces choses elles sont acquises, commence à faire des efforts pour faire des nawafil. As-salat, qira'at al-Qur'an, ijtahid fil 'ilm, et tu verras jour après jour, semaine après semaine, année après année, tu vas progresser. Et quand tu vas progresser, tu vas atteindre un bon niveau, surtout pour celui qui est sincère, bi idnillahi jalla wa ala, tu seras une porte de bien pour les autres. An-nush wal bayan wat tawjih, tu vas conseiller, tu vas montrer, tu vas orienter. Et alhamdoulillah. قال وان من اعج وان من اعجز الناس من عاب الناس بما فيهم واعجز منهم من عابهم بما فيه ومن عاب الناس عابوه. قوله وان من اعجز الناس من عاب الناس بما فيهم. Ça c'est من اعجز الناس. Ça c'est une faiblesse. Un celui qui critique les gens, لماذا؟ لانهم ils ont des manquements. On répète, dans certains cas la critique elle est fondée, c'est une maslaha. Comme la critique de Ahlul Bida, c'est pas min al-ajz abadan, c'est min al-quwa et c'est min manhaj al-salam, comme on l'a expliqué kathiran. Lakin, s'il n'y a aucun profit, et l'insan, il s'oublie lui-même, fa lihada qal wa a'jazu min, encore plus grave, man abahum, celui qui critique les autres, alors que lui-même il fait cette chose. Et ça c'est une musiba. Ça c'est une catastrophe. L'insan, il s'oublie lui-même, il critique les autres, alors que lui-même il fait ces choses. Qal wa man aba al-nas abuh. الجزاء من جنس العمل. انا si tu critiques les autres, tu te feras critiquer. Allah subhanahu wa ta'ala il t'éprouvera. كم من الناس, ils ont espionné les autres, ثم ils se sont fait espionner. كم من الناس, ils ont voulu du mal aux autres, ثم on leur a fait du mal. Allah subhanahu wa ta'ala عليم سميع بصير. On doit craindre Allah jalla wa ala. ثم قال رحمه الله, on passe directement au vers de poésie de la page suivante. Le vers numéro 385. قال وأنشدني الكوريزي أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه وما خير ما تخفى عليه عيوبه ويبدو له العيب الذي لا لأخيه. نعم, هذا سنرزومي de tout ce qu'on vient de voir. أرى كل إنسان يرى عيب غيره, أي beaucoup de gens ils regardent les défauts des autres, ويعمى عن العيب الذي هو فيه, alors qu'il est aveuglé. S'il se regarderait lui-même, il trouverait plein de défauts, plein de manquements. C'est pour ça que hada sanafi jiddan. L'être humain, il est comme ça. L'être humain de nature, il est comme ça. Il regarde des défauts, il doit rechercher des défauts. Istafid min hada ad-dars anna cette recherche fait la sur toi-même. Quand tu sens qu'on ton neuf, elle commence à regarder à droite à gauche, remets-toi en question Et commence ton examen de conscience sur toi-même. Et tu verras que, alhamdoulilah, tu vas sortir avec plein de manquements, plein de défauts. Thumma, bab at-tawba, il est ouvert, et celui qui veut se corriger, Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. قال وما خير ما تخفى من تخفى عليه عيوبه ويبدو له العيب الذي لأخيه نعم كما تقدم قال أبو حاتم رحمه الله التجسس من شعب النفاق c'est un comportement parmi les comportements des hypocrites التجسس espionné المنافقون vu que قلوبهم il est خراب leur cœur il est en ruine et Al-Munafiq, il regarde d'aïman les autres. Al-Munafiq, les hypocrites, c'est les gens qui se remettent le moins en question. Al-Imad, leur intérieur, il est vide. Leur intérieur, c'est la ruine. Amma al-mu'min, vu que c'est un mu'min, il a l'iman, il doit tout faire pour s'écarter min hada al-khuluq al-dhamim, al-tajassus. Qal, kama anna husn al-dhan min shu'ab al-iman. Husn al-dhan bi akhik. Avoir des bonnes pensées envers ton frère, c'est min شعب الإيمان قال في العاقل يحسن الظن بإخوانه وينفرد بغمومه وأحزانه كما أن الجاهل يسيء الظن بإخوانه ولا يفكر بجناياته وأشجانه نعم هذا ستقدم معنا أما حسن الظن ف la base c'est qu'on doit avoir هذا نعم الظن الحسن envers nos frères حسن الظن on répète الظن C'est les pensées, à tout le monde, c'est les pensées. Et Husnuddin, c'est des bonnes pensées. C'est ça la base. Thumma, cette base, elle peut changer. Falihada, Ibn Hibban, rahimahullah, juste après, قال, après les vers de poésie, قال, Su'uddin, ala darbi. Avoir des mauvaises pensées, il y a deux catégories, il y a deux cas. Ahaduhuma, le premier cas, manhiyu an, bihukm al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le premier cas, c'est interdit. Yeah, ce cas, il est clair. Ton frère, il est al-khayr. Wallahi alhamdi, fais des efforts. Tu dois avoir des bonnes pensées envers lui. Amma, l'accuser d'une chose sans délire, avoir des mauvaises pensées sans aucun argument, fahada c'est haram. Pourquoi ? Parce que c'est ton frère musulman. Et ird al-muslim, il est haram. Il est sacré. On n'a pas le droit de le toucher. Et la shakana adhan. C'est quelque chose qu'il y a dans le cœur. Et si on ne fait pas attention, Farobama, ce qui est dans le cœur, ça apparaît dans la langue. Ou dans les faits et gestes. Falihada, al-ulama yaqouloun, ou Rabbama naqra, il l'a cité dans Ibn Hibban, naqra, s'il n'a pas cité, inshallah, on le citera, qal, wa dharbu l'akhar mustahab. Ta'ammal, mustahab. C'est recommandé. D'avoir des mauvaises pensées dans certains cas. قال فأما الذي نهى عنه فهو استعمال سوء الظن بالمسلمين كافة على ما يقدر من ذكرنا له. أما المنهي عنه فهذا تقدم. Quand il n'y a aucune raison, on n'a pas le droit d'avoir des mauvaises pensées envers nos frères musulmans. قال وأما الذي يستحب من سوء الظن فهو لمن بينه وبينه عداوة و Shahna'un fi din ou dunya. On a déjà cité l'exemple de Al-Mubtadi'a, on peut citer l'exemple de Al-Kafar Al-Fajira, kadalik dans le domaine de dunya. Qala yakhaf 'ala nafsihi makra. Hada c'est un adou. Que ça soit un ennemi fi din ou que ça soit un ennemi fi dunya. Fi hada al-hal, tu peux pas avoir husn al-dhan des bonnes pensées envers lui. Limadha li'annahu c'est un ennemi yamkur bik. Fali hada al-muslim, il doit pas avoir husn al-dhan bil kuffar. Ou أهل البدع. لماذا لأنهم سيد الزنمي pour المؤمن والمبتدع سان un ennemi pour السني. فلهذا قال فحينئذ يلزم سوء الظن بمكائده ومكره لئلا يصادفه على غرة بمكره فيهلكه. Ça, ça nous montre أن المسلم il doit pas être insouciant. Comprendre من هذا الكلام أنه il doit avoir des bonnes pensées envers tout le monde. C'est pour ça que بعض المنحرفين vu que leur da'wa elle est focalisée que sur les bons comportements, et ils ont négligé at-tawhid wal aqida wa manhaj as-salaf, ils ont concrit les bons comportements avec leur passion. Allez, hada matalan ba'dhum, ils appellent husn al-dhan même avec al-yahoud wal nasara wal mushrikin. Hada c'est grave. Rubbama yamkur bik, ils te détestent à cause de ton din, thumma anta insouciant, si tu ne fais pas attention, يغوز يغوز حتى يتوفي جمع. لا، كن على حذر في أتنسيون. وهكذا أهل البدع، فلهذا علماء السنة قديما وحديثا يمت en garde, ils ont mis en garde contre مجالسة المنحرفين à cause de leur مكر. ربما يغوز et il devient une cause qu'une شبهة une ambiguïté pénètre ton cœur. فحذر. Le résumé, ton frère musulman, il est à la khair. Alhamdulillah, il ne fait apparaître aucun mal. Nous, on prend à la zahir. On a husn al-dhan. Ça, c'est la base. Pour moi, s'il y a une cause, un indice, une chose qui prouve qu'on doit faire attention, et هذا husn al-dhan, il se transforme en sou al-dhan, falhamdulillah, c'est mustahab, comme a dit l'imam Ibn Hibban, rahimahullah. Ce qu'on voulait ajouter, comme a ذكر Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, et d'autres shurrah, أظن الإمام النووي dans شرح مسلم et d'autres. Quand ils expliquent ce hadith, إياكم والظن. أحيانا الإنسان il peut avoir dans son cœur un ظن سيء. Ça peut arriver. On a des faiblesses en tant qu'être humain. لكن جاء في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما et d'autres أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن الإنسان tant qu'il ne parle pas et tant qu'il ne fait pas. Donc si الإنسان à un moment donné il a une mauvaise pensée, ça peut arriver. Alhamdulillah, il est pardonné tant qu'il ne parle pas et tant qu'il n'agit pas. Lakin, l'insan, il doit repousser hada. Mais si ton frère, il n'a rien fait, fais attention. Même si Shaitan, il essaye d'insuffler dans ton cœur une chose, repousse. Kadhalik, entre mu'mini, si un frère, il a un manquement, il a un défaut, il fait un péché, il a des faiblesses, on n'a pas besoin, entre nous, de gonfler la chose hatta nos cœurs iyad billah yamtala'un bi hadhihi adh-dhunun as-sayyi'a. Là, في هذا الحال, on n'a pas besoin de parler sur son dos, on va le voir. On va le voir, ya akhi al-karim, tu as fait telle chose ou tu as manqué telle adoration ou muhim le manquement qu'il a. Alhamdulillah. Amma al-ba'd ils font une erreur entre eux, ils se parlent et ils délaissent leurs frères, thumma ils ont des mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées, si elles ne sont pas repoussées, là, chaque ça apparaîtra dans le comportement, ça apparaîtra dans falatat al-lisan. Ça apparaîtra ou la bout. Entre nous, on se conseille. Entre nous, on se montre. Et la base, c'est qu'on doit avoir al-thon al-hassan envers chaque muslim tant qu'il n'y a pas une chose qui montre l'inverse. Ou alhamdulillah. Hada ma yata'alaq bi hada al-bab. المختصر النافع. كذلك pour finir, تذكرون أن il y a quelques temps on a lu une fatwa, une question qu'ils ont posée à Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى sur le fait de fouiller le téléphone de son enfant. Il lui avait demandé, est-ce que هذا c'est من التجسس, est-ce que هذا c'est من التجسس, est-ce que ça fait partie de l'espionnage interdit, كما قال عز وجل ولا تجسسوا. وهكذا في الحديث qu'on vient de lire ensemble. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى il a répondu là. هذا c'est pas من التجسس. أبدا. لماذا؟ لأن le responsable, comme le père ou la mère, خاصة si l'enfant il commence à changer, il atteint un certain âge, encore plus dans certains endroits, dans certains pays, cet enfant il sera exposé à une multitude de dangers et beaucoup d'ennemis. Lui-même, مسكين, il est ضعيف. C'est un danger pour lui-même. وهكذا الشياطين من الجن والإنس. هكذا ce pays dans lequel il vit, encore plus dangereux s'il fréquente l'école des kafara. ففي هذا الحال, cet enfant, il est exposé جدا. Ce téléphone, كما تقدم, ça peut être le plus grand danger pour lui. Peut-être certains messages, certaines vidéos, certaines fréquentations. Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, il a répondu à Nahubel, c'est une obligation pour le père de faire attention. Enfin, la manière dans ce cas-là, de regarder le téléphone de son enfant discrètement. Et si Al-Ab, il voit quelque chose, il agit en conséquence, en conseillant son fils, en le préservant, il a akhri. Fahada, c'est pas mina tajassus al-haram, abadan. Abadan, bel hada, c'est mina. من حفظ المسؤولية والرعاية. ça fait partie des responsabilités que les parents ils doivent avoir. Et aslan, celui qui peut celui qui peut préserver ses enfants de hada shar, surtout les enfants très très jeunes, de ces téléphones, fait qu'il le fasse. Wallahi, c'est une fitna azima. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-tawfiq lil jami'. Hada ad-dars sur at-tajassus wa su'ud-dhann min hada al-kitab an-nafis, le 20e chapitre. Wallahi alhamd. Et on répète une autre référence fi Riyad al-Salihin, l'imam al-Nawawi l'a cité ce hadith. كذلك celui qui veut encore des autres références, قوله عز وجل ولا تجسسوا. ففي كتب التفسير tu vas trouver énormément de fawaid. من سورة الحجرات tu reviens à tafsir Cheikh Sa'di ou tafsir Ibn Kathir ou autre رحمهم الله, tu trouveras des fawaid كثيرة. كذلك vu que le hadith il est fait sahihain, et ça c'est des réflexes que talib ilm il doit avoir, parmi les premières références Fath al-Bari de l'imam Ibn Hajar et شرح الإمام النووي ده صحيح مسلم تتروا كذلك ده فوائد طيبة وإلا فنحن سكي لسيتي الإمام ابن حبان سي سفيزان ونا أجوتي لإكسبليكاسيون دو حديث من كلام شيخ العثيمين واستفدنا كثيرا ولله الحمد نكتفي بهذا والحمد لله ينبص ودرس السويمة إن شاء الله.